l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Nouvelle attaque mortelle de requins. Ça s'est donc passé hier après-midi à 15h48 à l'intérieur du grand récif de Kumak en face de la passe. La victime est un kitesurfeur australien de 50 ans en vacances sur le caillou pour une dizaine de jours. L'affaire de l'agression du diacre Henri Mamatoui et de sa femme est élucidée. Donc, 6 jeunes âgés de 17 et 19 ans ont bien été interpellés entre dimanche et lundi. Seul le majeur principal suspect présumé était connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte. Les 6 jeunes encourent 10 ans de prison. Une habitante d'un bébé âgé de 61 ans et elle décédée de la dengue dimanche après un choc septique. Et puis, suite à l'accident du 19 août sur la promenade Roger Larocque dont a été victime Mathilde, la police demande à tous les professionnels de l'automobile de signaler tout achat de pièces détachées de carrosserie, de réparation d'éléments de carrosserie avec éventuellement un choc sur le pare-brise pour tout véhicule de type pick-up. Nicolas Sarkozy a dénoncé une manipulation honteuse au lendemain de l'annonce de son possible renvoi en correctionnel dans l'affaire Big Malion et affirmé sa détermination à poursuivre sa campagne pour l'investiture présidentielle à droite. Et puis mort d'Isabelle Dinoir à 49 ans, c'était la première personne au monde à qui l'on avait greffé un visage. C'était en novembre 2015. Les lourds traitements. ONC ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Cause I'm sipping on Gush. Two drinks got two fizz. Three chicks got two four, six cheers. Wait a second, wait a minute. Take it to the next level. Hey, turn up the bass. Boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this world. Damn baby, I'm cool like. Woo. Yeah. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls. Événement sportif pour ce 7 septembre. Alors, c'est la célèbre écurie dont le nom est intimement lié à la Formule 1, Ferrari, qui remporte pour la première fois le champion du monde constructeur et celui de pilote, conquis par Alberto Ascari. Alors, je vous raconte un petit peu la saison quand même. La domination en fin de saison de 1951, déjà, des bolides du Commendatore, s'est rapidement concrétisée, d'autant plus que les modifications du règlement avantagé la Scuderia avant même que la première course ne soit courue. L'abandon de la compétition par Alfa Romeo et l'accident de Fangio le 8 juin lui ont alors définitivement laissé le champ libre. Et ce 7 septembre 1952, Ferrari remporte son premier titre de champion du monde de Formule 1. Énergie Nouméa 93.5. Une adresse pour vous meubler. Meubles Import, des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 60. Du lundi au dimanche matin, on continue à Ducos. Ah, fin valable. Quoi, fin valable? Ben, jusqu'au 30 septembre, chez Toyota, c'est moins 400 000 sur les Land Cruiser 5 cabines. Ah, ok, fin valable. Eh, mais attends, c'est pas fini. Toyota réouvre son showroom fin beau à Ducos et son service après-vente fin parfait au 6e kilomètre au rond-point de la GBNC. Trop choc. C'est net. Toyota vous attend dans son nouveau showroom 12 rue Lavoisier à Ducos. Info sur Facebook ou sur www.toyota.nc. Toyota, toujours là pour vous. 25 52 52. Iris

Énergie. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Terre en tête, d'abord la neige. Voilà un titre qui a énormément. Plaisance et sur Facebook à Castillage Diffusion NC. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. Le Festival Culture et Nature, les couleurs de Deva, est de retour les samedis 17 et dimanche 18 septembre. Plus d'informations sur province-sud.nc. Le Hard Café du Quartier Latin, convivial et carrément cosy pour vos after-work. Toute l'actu sur Facebook Hard Café. Pour ta santé, bouge au moins 30 minutes par jour. Comme si j'avais le temps d'aller faire du sport. Mais maman, tu peux aussi bouger à la maison. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Flexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. La minute du professeur Van der Kroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socapor, donnez un sens à votre décor. Le bulletin météo d'énergie avec la nouvelle Subaru XV. Décidez de la voie à suivre, vivez votre aventure. Alors, temps pour l'Oyauté, la pointe sud de la Grande Terre. Il déborde localement sur l'ouest. Les températures évoluent peu. On est toujours dans une fourchette comprise entre 24 et 28 degrés. Notez quand même que l'alizée de sud-est est fort, atteignant 20 à 25 nœuds avec des rafales de l'ordre de 30 nœuds. Demain, le soleil domine malgré la présence d'un voile de nuages élevé. L'après-midi, quelques nuages se développent sur le relief et débordent sur le nord. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc. Pour faire des affaires, on fouille notre âme comme les déchets qu'on enterre. Notre avenir on compte ainsi, maintenant l'on désespère. Reproduire nos erreurs comme à chaque fois. Bâtir un monde meilleur qu'on ne voit pas. Épuiser nos ressources, mais de quel droit? Pour que tourne ce monde, on a conçu des machines de guerre. On a détruit des forêts entières. Et on a extrait l'eau de la mer. Et maintenant tout s'effondre. I need a revolution. A revolution, a new direction, yeah. Let's stop the pollution. It's time to change the way. I want to stay in my garden. L'air qu'on respire ne trompe pas l'avenir et nos tristes désirs. Voilà l'avenir qu'on laisse aux futures générations. Au vu des conséquences, il n'y a pas de rédemption. Anticiper la suite face à la pollution. Si proche du précipice, il faut que nous stoppions. Si à travers les champs s'étend ce poison, que les graines d'aujourd'hui se meurent juste en poussant. Pendant que l'on s'agite en scrutant l'horizon, avant que tout s'effrite, prenons le bon tournant. De quoi parlons-nous et de quel avenir? Je sens tourner le vent. Je chante. shifted scenes while I was sleeping, and the vision that was planted, the halo of a streamlamp, I turned my color to the cold and damp. When my eyes were stemmed by the flash of a à l'intérieur du grand récif de Koumak en face de la passe. La victime est un Australien de 50 ans, en vacances sur le Caillou pour une dizaine de jours. Il faisait partie d'un groupe d'Australiens qui faisait donc le tour du Caillou à la recherche des meilleurs spots de kite isolés. Le squale, dont l'origine n'est pas encore connue, était de grande taille. Il lui a mordu la jambe droite. Malgré l'intervention rapide des secours à 17h, le détenu était connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte. C'est d'ailleurs pour ce type de délit qu'il s'est retrouvé face aux gendarmes dimanche. Ceux-ci ont fini par lui faire avouer sa participation à l'agression et au vol. Des affaires du couple ont été retrouvées chez le principal accusé. La comparution immédiate n'a pas été possible en raison de l'état de santé du diacre qui suscite encore des inquiétudes quant à son œil. Les 6 jeunes seront donc jugés dans les prochains mois. Ils encourent une peine d'emprisonnement maximale à droite. L'ancien président ne s'était pas exprimé publiquement depuis les réquisitions du parquet de Paris en faveur d'un renvoi en correctionnel en marge de l'affaire dite Big Malion. Le nombre des djihadistes français arrivant dans des zones de combat en Irak est de demander aussitôt le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote et procès verbal par procès verbal. Un recomptage demandé également par Manuel Valls. Le régime en place de son côté refuse toujours de publier les procès verbaux des bureaux de vote, arguant que la loi électorale ne le prévoit pas et accusé l'opposant de complot. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Turn around, open your eyes, look at me now. Oh, Well, our worries and our pain, goodbye. Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. C'est le rendez-vous de l'horoscope. On vous rappelle également qu'avec Énergie, vous pouvez constituer votre équipe de karting pour le championnat d'endurance de 5 heures ce samedi 17 septembre, samedi prochain, à partir de 17h. Valeur du cadeau, 75 000 francs. Alors, envie de constituer l'équipe. Vous refuserez de discuter avec votre conjoint. Taureau, il vous sera difficile de prévoir un rendez-vous avec l'emploi du temps que vous aurez aujourd'hui. Gémeaux, vous irez droit au but. Vous avez besoin d'obtenir des réponses. Cancer, vous aurez besoin, vous, de vous changer les idées et de ne pas trop penser à l'avenir. Lion, pilier central de votre couple, votre partenaire aime se reposer sur vos décisions. Vierge, les astres vous rendent irascible toute la journée, vivement demain. Balance, vous démarrez de bonne heure, vous ne lambinerez pas afin d'être performant. Scorpion, si vous avez en tête de séduire une personne en particulier, il ne faudra pas hésiter une seconde de plus. Sagittaire, non seulement vous avez de la volonté, mais vous puisez aussi dans vos ressources. Pensez à vous faire couler un bon bain. Capricorne, vous mettrez une certaine distance entre vous et votre partenaire. Vous avez besoin de souffler. Dans le travail, les Verseaux, aucun débordement. Tout le monde est à sa place, vous à la vôtre. Poisson, vous avez besoin de vos amis et vous recherchez leur compagnie, la solitude. You're making me try. I try to be like Chris Kelly. Little Freddy, I've got an answer to him. Sim. Yeah.

Coca-Cola bien frais. Un instant, le journal. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes. Ça s'est passé hier après-midi à 15h48 à l'intérieur du grand récif de Kumak en face de la passe. La victime est un Australien de 50 ans en vacances sur le Caillou pour une dizaine de jours. Il faisait partie d'un groupe d'Australiens qui faisait donc le tour à la recherche des meilleurs spots de kite isolés. Le squale, dont l'origine n'est pas encore connue, était de grande taille. Il lui a mordu la jambe droite. Malgré l'intervention rapide des secours, à 17h, le décès est prononcé. Il s'agit de la deuxième attaque mortelle de l'année après celle de Nicole Malignon à Bouraille le 10 avril dernier. Depuis janvier 2006, 6 attaques mortelles ont été répertoriées. Elles ont visé 2 baigneuses à Poé et Lifou, 2 kitesurfeurs à chaque fois à Kumak et un plongeur à l'île Aucoiré. Il y a également une quinzaine d'autres attaques qui ont occasionné des blessures plus ou moins graves. L'affaire du diacre élucidée. L'agression du diacre de la Conception a fait grand bruit et a ému l'ensemble de la population. 6 jeunes ont été interpellés entre dimanche et lundi. Ils ont reconnu leurs responsabilités dans les faits qui leur sont reprochés. On écoute Alexis Bourros, procureur de la République. Alors, une affaire résolue dans un temps record parce que, effectivement, des services de cambriolage quelques minutes avant cette agression. Comparution immédiate n'a pas été possible parce que l'état physique n'est pas consolidé chez la victime et, en particulier, des incertitudes demeurent sur les conséquences pour l'œil qui est, semble-t-il, abîmé. On basculerait évidemment dans une autre perspective avec des faits de nature criminelle s'il venait à perdre l'œil, ce que personne ne souhaite et qu'on ignore totalement pour le moment. L'élucidation rapide de cette affaire tient aussi au hasard puisque le majeur interpellé et principal intéressé dans l'affaire était là pour des faits de vol à la roulotte. Et le lieutenant-colonel Ouzé revient sur le travail de ses équipes sur le terrain. Alors, bon, concrètement, tous les enquêteurs étaient parfaitement au fait qu'il nous fallait sortir cette affaire rapidement. Et donc, tout individu qui passait par les brigades, en particulier celle de Dambéa, mais aussi celle aux alentours, devait être interrogé. Personne avait été admise dans les services de soins intensifs du CHT Gaston Bourret la veille. La Nouvelle-Calédonie n'avait pas connu de décès des suites de la dengue depuis l'épidémie de 2013. Si l'épidémie de dengue qu'a connu le pays cette année-là reste relativement limitée, 528 cas confirmés contre 11 000 en Laroque, dont a été victime la jeune Mathilde. La police demande à tous les professionnels de l'automobile de signaler tout achat de pièces détachées de carrosserie, de réparation d'éléments de carrosserie avec éventuellement un choc sur le pare-brise pour tout véhicule de type pick-up. Le véhicule en question est susceptible d'être doté d'un nudge bar ou d'un boule bas, appeler le commissariat de police, les réquisitions du parquet de Paris en faveur d'un renvoi en correctionnel en marge de cette affaire dite Big Malion. Mort d'Isabelle Dinoir, première greffée du visage. Elle est morte en toute discrétion il y a plusieurs mois, le 22 avril dernier. Isabelle Dinoir, 49 ans, était la première personne au monde à qui l'on avait greffé un visage en novembre 2005. Elle aura ainsi vécu pendant près de 10 ans, privée de visage après avoir été attaquée par son chien. Elle avait donc reçu une greffe partielle en 2005. C'était une première mondiale. L'hiver dernier, avec le ministre de l'Intérieur, il y a eu dans le même temps un tassement des retours détectés sur le territoire. Donc 18 Français ont été dénombrés arrivant dans la région au premier semestre 2016 contre 69 pendant la même période l'année précédente, soit 4 fois moins. Voilà ce qu'a souligné Bernard Cazeneuve, pour qui ce tarissement des départs s'explique par des revers subis par le groupe État islamique, mais aussi par les efforts de la lutte antiterroriste en France. Et puis au Gabon, le décompte des voix est demandé. Plusieurs, les jours passent, plus Ali Bongo est isolé. Lundi, le ministre de la Justice et président du parti présidentiel PDG démissionné de ses fonctions pour retrouver sa liberté de parole et demander aussitôt le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote. Un recomptage demandé également par Manuel Valls. Les observateurs, a-t-il déclaré, les observateurs européens sur place ont émis des critiques sur la base de faits objectifs. La sagesse commanderait de faire un nouveau décompte des résultats. Mais voilà, le régime en place refuse toujours de publier les procès-verbaux des bureaux de vote, arguant que la loi électorale ne le prévoit pas et a donc accusé l'opposant de complot. On termine avec l'info insolite. On part au Sri Lanka où un adolescent est arrêté par la police après avoir piraté et modifié, tiens-toi bien quand même, le site officiel du président du pays. Devine ce qu'il a fait sur ce site. Il lui a changé son statut. Non. Il lui a mis plusieurs femmes au lieu d'une. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné son compte bancaire. Il a modifié les dates du bac. Sur le site du président? Ouais, il y avait les dates des prochains examens. Là, c'est bizarre. Ouais. Bah, il s'amuse, les gosses. S'il lui avait rajouté une ou deux femmes, ça se serait pas vu, JB. Merci Delphine, il est pratiquement 7h09. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Je l'assaisonne d'une insatiable envie d'estime, même si le disque je déraisonne. Je veux pas de déprime dans mes arômes. Je ne m'en vais. Pas d'autre ligne qu'on me griffonne. Je ne m'en vais. Qu'on lise mes signes, qu'on les cajonne. Je ne m'en vais. Je déprime ce qui me passionne. La vie est pleine de crocodiles, même s'il ne reste que des symboles. Et malgré leur croc, je ne deal avec aucune de leurs boussoles. Si mon espoir est pour m'assurer qu'il soit fertile, lui qui n'est fait d'aucune tôle. J'étais assis sur un missile, mais aujourd'hui je touche le sol. Si quelques larmes touchent mes cils, c'est qu'elles doivent remplir le rôle. Je retrouve ma joie comme le jeune Anakin. Pour m'en sortir, j'en fais des tonnes. Je me rends la vie plus câline. Quant à ses côtés, je chantonne. Je suis chargé comme une alcaline. Laisse derrière moi mes vieux fantômes. Oh, je veux pas de déprime dans mes arômes. Pas d'autre ligne qu'on me griffonne. Zico Païta et Point Bout. Bon, ben, ça a l'air calme en ce moment sur la route. Pas d'infos trafic à signaler. On vous rappelle quand même le téléphone au cas où, 05 34 34. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on s'ennuie en voiture? Ah bah tiens, petite info, sachez que la langue est le seul muscle du corps humain qui n'y est rattaché que par une seule de ses extrémités. Et oui, tous les autres muscles sont attachés des deux côtés. Tiens, en parlant de corps humain... Il y a quelqu'un qui appelle. Corps humain. On va faire un petit jeu. Tiens, quelle est la seule partie de votre corps que vous ne pouvez pas toucher avec votre main droite? Allez, je vais chercher. La seule partie du corps qu'on ne peut pas toucher avec la main droite. Essayez de toucher votre coude. Rien que pour voir. Énergie Nouméa 93.5. Le Car Park de Nakutapoint fête ses 10 ans en faisant la course du 17 septembre. 168 francs le SMS. Et gagne l'engagement de 8 pilotes pour l'endurance du 17 septembre. La course d'endurance du Car Park Pacifique, c'est samedi 17 septembre à partir de 17h sur le circuit de Nakutapoint. Envoie carte énergie au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à énergie. Jusqu'au 18 septembre, c'est l'anniversaire Bricorama. Dressing module kit, 2 tiroirs, 4 tablettes, une tringle à 19 900 francs seulement. Bricorama du lundi au dimanche matin, 6 rue Forest à Ducos. Déco, brico, bâti, jardin. Le meilleur choix, les prix bas, c'est Bricorama. Chérie, je t'emmène au resto ce soir avec les enfants. T'as gagné au bingo ? Non, j'ai réservé sur le nouveau site Reza.nc. Il y avait une promo à ne pas rater. C'est génial ça ! Ouais, sur Reza.nc, tu peux avoir des remises jusqu'à moins 50%. Et ça marche aussi pour les hébergements et les activités. Tu réserves tout ça sur sort pour rembourser vos achats. Voir conditions en magasin. J'ai fait des idées de génie. 1 plus 2 multiplié par moins. Joue au jeu de l'addiction Cadbury. Si tu trouves le bon résultat, tu gagnes le panier garni de chocolat Cadbury et tu participes en fin de mois au tirage du gros lot. En septembre, c'est un smartphone Microsoft Lumia 532 noir, simple SIMS 8Go d'une valeur de 17 900. www.materiocenter.nc. Alors, il y aura quelques rendez-vous à suivre à 7h30 dans moins de 10 minutes maintenant sur Énergie. Ce sera le rendez-vous des infos. Ensuite, on passe au rendez-vous gag. Ce sera Guy Bedos et son élève qui donneront l'idée d'échange entre Guy Bedos et Sophie Daumier. Chapon Gilbert. Ensuite, Van der Kroot nous dira qui a inventé les restaurants McDonald's. Et on aura fêté aussi les anniversaires des célébrités qui sont nées un 7 septembre. Merci d'être avec nous. Dans un instant, c'est la météo. Énergie Nouméa. 93.5. T'es passionné de foot ou de futsal? Ça y est, le complexe du soccer NC ouvre ses portes le 10 septembre en partenariat avec Énergie. C'est au dimanche au 29 89 89 et sur Facebook. Parking assuré. Chic, les nouveautés sont arrivées chez Chouchous. Découvrez en exclusivité les chaussures Star Wars chez Chouchous. Chouchous, rue Sébastopol, une ouvre sur Couf et sur Facebook. La cuisine au restaurant Marmite et Tire-Bouchon, une affaire de passionnés. Régalez-vous d'une cuisine délicieusement originale. Des nouvelles recettes chaque semaine, le goût de l'innovation dans une carte pleine de saveurs, une formule de prix sans surprise. Nil fixe, télescopique, 1m50 à 4m20, 15 990 francs. Monsieur Bricolage? Ducos et Kenuine. On peut compter sur lui? Deux magasins plus proches de chez vous. L'info en Nouvelle-Calédonie, en France et dans le reste du monde, c'est dans le journal de la mi-journée. Retrouvez le journal de la mi-journée à 10h, 11h et 11h30. L'info sur Énergie, c'est avec Chic, la mode de qualité qui habille toute la famille à petit prix. Du lundi au vendredi, en quelques minutes, l'actualité... Le soleil se montre plus généreux sur l'ouest. Cet après-midi, les passages nuageux et les averses éparses touchent essentiellement l'est, le Lyoté et la pointe sud de la Grande Terre. Ils débordent localement sur l'ouest. L'alizé de sud-est est fort, atteignant souvent 20 à 25 nœuds avec des rafales. Avec la nouvelle Subaru XV, l'aventure commence sur www.subaru.nc.

toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Songs when the truth are all dedicated to you. In this invisible world I choose to live in. And if you believe that, then now I understand why words mean so much to you. They'll never be about you. Maybe you're young without youth, or maybe you're old without knowing anything's true. I think you're young without youth. Then you contract the American dream. You never cop once. You contracted American dreams. I require you. Searching to find something new, but what will you find when you think that nothing's true? Maybe it's that nothing is new. Matin de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. Le duo Guy Bedos, Sophie Daumier pour l'élève. Chapon, Gilbert. Ils sont si gentils, ces enfants, si gentils. Madame, en réponse à votre lettre du 12 au sujet de votre fils, l'élève de 6e, Chapon Gilbert, je vous signale que ce dernier étant un cancre et un voyou, nous le tenons à votre disposition pour que vous le retiriez, sitôt qu'il vous plaira, de l'école dont j'ai l'honneur d'être le directeur. Avec mes salutations, signé Adrien Colbach, directeur du collège privé de Forigny-sur-Seine. Monsieur le directeur du collège, je vous remercie d'avoir si aimablement répondu à ma première lettre au sujet de mon fils, Chapon Gilbert. J'ajoute à mes précédentes protestations qu'il est classé régulièrement dernier, ce qui est une injustice scandaleuse. J'estime que c'est chacun son tour. Par ailleurs, Gilbert ayant donné l'autre jour une taloche à son professeur d'histoire, celui-ci lui a rendu sa gifle, et j'estime que ce n'est pas très beau de se battre coup pour coup avec un enfant quand on est un professeur d'histoire adulte. Je vous prie de croire, monsieur le directeur, à mes sentiments les meilleurs. Signé Chapon Marie-Thérèse, mère du petit Gilbert, post-scriptum, 6 juin, chèque barré. De 300 000 anciens francs, à votre ordre, monsieur le directeur, pour vos bonnes œuvres. Chère madame Chapon, des réceptions de votre dernière lettre, la conduite et les résultats de votre fils se sont considérablement améliorés. J'ai plaisir à vous faire part de ces progrès. Certes, c'est un enfant très éveillé, dont la personnalité et la formidable santé ne sont pas toujours compatibles avec la discipline généralement comprise dans une classe de 6e, mais on aime mieux les voir turbulents que malades. Dans tous les cas, je vous remercie, madame, pour votre petit envoi joint à votre lettre, en vous priant d'agréer. Monsieur le directeur du collège, je vous remercie de m'avoir envoyé le dernier bulletin de l'élève Chapon Gilbert. Je constate en effet avec orgueil qu'il a fait des progrès sensibles, notamment en calcul, je vois qu'il est classé 2e en composition, avec 17,5, alors qu'il était malade le jour de la composition, qu'il n'est pas allé à l'école ce jour-là. C'est un exploit important. En espérant qu'il sera premier la prochaine fois, pour donner toute satisfaction à notre famille, à nos amis et à nos relations. Je vous prie par ailleurs d'accepter, cher monsieur le directeur, ce chèque de 600 000 anciens francs à votre ordre pour vos bonnes œuvres. Veuillez agréer. Chère madame Chapon, en vous remerciant pour votre dernière lettre si chaleureuse, je me permets de vous féliciter pour les derniers résultats réalisés par votre fils, l'excellent Chapon Gilbert, élève de 6e. Sa dernière composition de géographie, où il a découpé directement la page de son manuel pour la coller soigneusement sur sa copie, prouve que nous avons affaire à un enfant astucieux et plein de ressources, car aucun de ses camarades n'avait eu une idée d'une habileté équivalente. Par ailleurs, le fait qu'il ait mis le feu au bureau du chirurgien général nous a donné l'occasion de refaire complètement ce bureau, qui était vieux et sale. J'ajoute en outre que le petit garçon, qui avait été classé premier de la composition de calcul devant votre fils, a été renvoyé de l'établissement. On n'a pas pu prouver qu'il avait copié, mais on n'a pas pu prouver le contraire non plus. Veuillez agréer, madame. Monsieur le directeur du collège, en vous faisant parvenir 6 juin ce petit chèque d'un million d'anciens francs pour vos bonnes œuvres, je vous signale qu'il paraît que le professeur de sciences naturelles parle si fort pendant son cours entre 5 et 6 heures le mardi que mon fils ne peut pas entendre son hit parade au fond de la classe sur son transistor. En espérant que cet abus ne se renouvellera plus, je vous prie d'agréer. Chère madame Chapon, je vous remercie pour votre dernière missive, pour celle qui l'a suivie avec ce petit viatique de 2 millions d'anciens francs qui m'a permis de faire beaucoup de bien autour de moi. Par ailleurs, puis-je vous demander un petit service, chère madame Chapon? Ce serait de prier votre fils, l'excellent petit Gilbert, si vous avez l'occasion de le rencontrer, d'attendre que nous soyons seuls dans la cour pour me botter le derrière. Car devant tous les élèves, cela peut prêter à réflexion, chacun ne sachant pas forcément que c'est pour plaisanter. Votre fils a pris cette habitude quotidienne, et quoique je trouve cela très drôle chez un enfant si jeune, je n'aimerais pas que les autres soient tous obligés d'en faire autant. Certains ne le méritant pas. D'autre part, peut-être pourrait-il laisser de temps en temps chez vous le gros chien qu'il a pris l'habitude d'amener en classe, car cette brave bête aboie beaucoup et certains professeurs en ont peur, surtout depuis que l'un d'eux s'est laissé bêtement mordre en écrivant au tableau. En vous remerciant d'avance, je vous pourrais croire, chère madame, mes sentiments les plus sincères. Adrien Colbach. Post-scriptum, une petite chose que j'oubliais. Pourriez-vous garder Gilbert à la maison demain matin? Il n'y aura pas classe, car nous devons aller aux obsèques de notre collègue, M. Marturo, professeur de langue, qui s'est lamentablement suicidé en se jetant en tête la première sur une flèche empoisonnée que votre fils était amusé à lancer à la cantonade par le truchement d'une sarbacane. La flèche étant plantée dans son œil gauche, le malheureux ne s'est pas raté. Merci encore, je pouvais le croire, chère madame. Et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. Mmh. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. Énergie, 7h46. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Alors, les célébrités, eh bien nous avons le champion du monde 98 de football, Marcel Desailly, qui a 48 ans. À 39 ans, pour la navigatrice Maud Fontenoy, on se souvient qu'en 2003, elle est la première femme à avoir réalisé la traversée de l'océan Atlantique Nord à la rame, dans le sens ouest-est. Elle donne encore quelques concerts. La magnifique Gloria Gaynor a 67 ans. L'actrice Mira Furlan en a 61. On se souvient d'elle dans Papa est en voyage d'affaires, d'Emir Kusturica, qui a reçu la Palme d'Or en 85 au Festival de Cannes. Et puis de 2004 à 2008, elle est apparue dans la série Lost, où elle a incarné le personnage de Daniel Rousseau. Et enfin, bon anniversaire à Pierre-Paul Jacques, il a 52 ans. En fait, c'est quoi son prénom ? Suivre Van der Kroet, pour qui a créé les premiers restaurants McDonald's. C'était l'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est du costaud. Ramco chez Alto Marine, Nouvelle Plaisance ou Facebook Ramco NC. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Une adresse pour vous meubler. Meubles Import. Des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 68 82. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc.

Mamatoui et sa femme élucidée. Donc, 6 jeunes âgés de 17 à 19 ans ont bien été interpellés entre dimanche et lundi. Seul le majeur, principal suspect présumé, était connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte. Les 6 jeunes encourent 10 ans de prison. Une habitante de Dumbé âgée de 61 ans est décédée de la dengue dimanche après un choc septique. Et puis, suite à l'accident du 19 août sur la promenade Roger Larocque, dont a été victime la jeune Mathilde, la police demande à tous les professionnels de l'automobile de signaler tout achat de pièces détachées de carrosserie, de réparation d'éléments de carrosserie avec éventuellement un choc sur le pare-brise pour tout véhicule de type pick-up. Nicolas Sarkozy a dénoncé mardi une manipulation honteuse au lendemain de l'annonce de son possible renvoi en correctionnel dans l'affaire Big Malion. Il affirme sa détermination à poursuivre sa campagne pour l'investiture présidentielle à droite. Et puis, mort d'Isabelle Dinoire, 49 ans. Elle était la première personne au monde à qui l'on avait greffé un visage. C'était en novembre 2005. Les lourds traitements anti-rejet dont elle devait prendre à vie avaient favorisé la survenue de 2 cancers. Le nombre de djihadistes français arrivant dans les zones de combat en Irak et en Syrie a nettement diminué au premier semestre 2016 par rapport à celui de 2015. Il y a eu dans le même temps un tassement des retours détectés sur le territoire. Enfin, l'élection à la présidence gabonaise d'Ali Bongo apparaît de plus en plus contestée à l'intérieur comme à l'extérieur du Gabon. Le décompte des voix est demandé. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. On ne l'a pas oublié, le match des Bleus comptant pour la qualification de la Coupe du Monde 2018. Et malgré une nette domination, enfin une nomination. Ils sont nominés pour les buts. Et zéro but du coup. Non. Si, aucun. L'équipe de France n'a pas réussi à marquer un seul petit but. Ça lui aurait quand même permis de débuter ses qualifs par une victoire. Et c'est raté, c'était face à la Biélorussie. Donc match nul, zéro partout. Il y avait d'autres matchs, JB. La Belgique s'est donc imposée 1-0 à Chypre et a bien lancé son parcours dans ses éliminatoires. Quant à la Suisse, elle est allée l'emporter 2-0 et c'était face au Portugal. Quand étonnant. Même. Ouais. Les Bleus s'imposent face à l'Islande. Et heureusement qu'on a l'équipe de France Espoir qui a battu l'Islande 2-0. C'était ce matin pour nous à Caen. Grâce à cette victoire, les Bleus peuvent toujours espérer se qualifier pour l'Euro 2017. Gaël Monfils se hisse en demi-finale de l'US Open. Face à Lucas Pouille, physiquement émoussé, Gaël Monfils est donc facilement qualifié en 3-7, 6-4, 6-3. 3-6-3 pour les premières demi-finales de l'US Open de sa carrière. Chez les filles, on a Angelique Kerber qui est la première qualifiée pour les demi-finales. Elle était opposée à Roberta Vinci. L'Allemande qui n'a toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi a pourtant vécu une entame de match assez compliquée. En demi-finale, elle affrontera la gagnante du duel entre Caroline Wozniacki et Anastasia Sevastova. On avait également du double et en mode diesel, et bien on a Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui ont validé leur billet pour les demi-finales du double. C'était face à Barbora Strikova et Sania Mirza. Et qui a été retenu pour le prochain match de Coupe Davis. Ah et c'est bon, Yannick Noah a tranché et il a fait relativement simple. Pour la demi-finale de la Coupe Davis, ça sera face à la Croatie les 16, 17 et 18 septembre prochains à Zadar. Et bien le capitaine de l'équipe de France a pris les hommes en forme du moment, à savoir les 3/4 de finalistes de l'US Open, pas compliqué. Gaël Monfils, Djokovic Fuentsanga et Lucas Pouille qui sont retenus pour les simples pendant que la paire Mahut Herbert devrait avoir l'honneur de jouer le double. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour et bon mercredi. On est le 7. C'est ça, on est le 7 aujourd'hui. Oui, 7, ouais, ouais. Oh merci. Oh moi vous m'écoutez un petit peu. Comment ça va? Bah ça va. Ah bah super. Eh bah j'espère que j'ai vous faim. Allez passer une... Quoi? J'ai faim. Ah bah justement on va jouer JB. Allez on va te faire plaisir aujourd'hui. C'est la première fois qu'on va jouer au jeu de l'addiction. J'ai l'impression que la musique est forte dans mes oreilles. Voilà chute. On va jouer au jeu de l'addiction avec les barres chocolatées offertes par Cadbury, Picnic, Crunchy, Dairy Milk, Time Out et Boost. C'est vous chers auditeurs qui allez pouvoir gagner un panier garni avec toute la gamme Cadbury, un porte-clés et un bon de remise de 20% sur le showroom Bisco Shop si vous participez aussi au tirage au sort du mois. Pourquoi tu rigoles? À la fin du mois, tu peux gagner le gros cadeau offert par Cadbury. Et le gros cadeau offert par Cadbury, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone. Oui, exactement, mais pas n'importe quel téléphone. C'est un smartphone Microsoft Lumia. Voilà, simple SIM. Je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais en tout cas, c'est un très joli téléphone. Il n'y a qu'une carte SIM. Ah bah pas, ok, d'accord. Sinon, c'est double sim. Double sim. Ok, d'accord. Bon, je vous passe les détails. En tout cas, c'est un très joli téléphone à gagner si vous êtes sélectionné aujourd'hui. Il va falloir répondre à une petite question mathématique. Très compliquée. Si tu n'y arrives pas, bah, tu retournes à l'école parce que franchement, c'est moi qui l'ai faite. Donc, ça va être très simple. Et justement, j'aurais besoin de vous deux là pour tout à l'heure pour participer à ce jeu car il va falloir faire du calcul mental et j'ai besoin de cobayes. Donc, ça sera très bien. Préparez-vous donc à répondre à cette question. Je vais vous la formuler d'ici quelques instants. On va d'abord écouter Brazil avec Declan McKenna, One Direction, Amy Winehouse. On se retrouve juste après pour le jeu Cadbury. Everybody plays a beautiful game while I'm in Brazil, 'cause it's all you've ever wanted.